Bonjour à tous et bienvenue à French Pod. Je m'appelle Amaury. Et je m'appelle Erika. Bonjour. Alors, quel type de leçon avons-nous aujourd'hui, Erika? An upper intermediate lesson. Et aujourd'hui, on se retrouve à la campagne pour célébrer la saison d'automne. Ah, l'automne. C'est ma saison préférée. Excellent, puisque beaucoup d'émotions vont se manifester dans ce dialogue. Des émotions positives, mais des sentiments plus négatifs également. Et on va apprendre beaucoup des mots détaillés sur l'automne. Voilà, donc il est temps maintenant d'écouter ce dialogue. L'automne, toute cette beauté m'emplit de joie. Je ne veux pas jouer le rabat-joie, mais je ne te suis pas. Moi, ça me donne le cafard. Voyons, mon ami, regarde cette nature changeante, prête à renaître dans quelques mois. Selon moi, cela évoque surtout la fin de l'été et le début de la grisaille. Tu ne peux quand même pas rester impassible lorsque tu contemples les feuilles des arbres qui prennent une teinte jaune, orangée, brune ou même rouge. Pour ce que ça dure, d'ici la fin du mois, ces arbres se retrouveront dépouillés de leurs belles feuilles. Allons, ne vois pas les choses sous cet angle. L'automne, c'est la saison des marrons, des noix, des noisettes et des citrouilles. Tu sais très bien que je n'aime aucun de ces aliments. C'est aussi un des meilleurs moments pour la cueillette des champignons. La dernière fois que j'en ai mangé, j'ai été malade pendant 3 jours. Et la saison des vendanges? Là, je t'arrête tout de suite. Les vendanges commencent déjà en juillet dans certaines régions et... J'ai attrapé un rhume, on rentre à la maison. L'optimiste. Oui, on est un amoureux de l'automne. Et un autre, il me semble qu'il est pessimiste en général en fait. On dirait, ouais. Et donc le pessimiste, l'automne, ça ne l'emplit pas de joie. Oui. Pas comme l'optimiste. Voilà. Qui trouve que toute cette beauté de l'automne l'emplit de joie. Oui. Remplir quelqu'un de joie. Il n'y a pas d'article. Non, il n'y a jamais d'article juste après l'expression remplir quelqu'un de tagalak. Et donc ça peut être suivi de joie, comme ici. On peut m'emplir de bonheur, de tristesse, de chagrin. Donc l'autre, comme il est un rabat-joie. Un rabat-joie. Alors c'est quoi ça? En fait, c'est une personne qui contrarie les autres. It's a party pooper. Exactement. It's a Debbie Downer. Here comes rabat-joie. Là, c'est quelqu'un qui n'est jamais content. Et ce qui est marrant chez les rabat-joie, c'est qu'ils commencent toujours les phrases avec « Je ne veux pas jouer le rabat-joie, mais... » Ouais, façon de s'excuser, mais en fait... Il dit « Mais je ne te suis pas. » Ça veut dire « Je ne suis pas... » Ton avis. Ça pourrait dire « Je ne te comprends pas. Je ne te suis pas. » Oui. Mais ici, c'est un sens différent, non? Oui, ici, ça veut dire « Je ne partage pas ton avis. » Je ne suis pas d'accord. Oui. Je ne te suis pas. Alors pour lui, le pessimiste. Ce que ça lui apporte, l'automne, c'est le cafard. Ça lui donne le cafard. C'est donner le cafard. Ça veut dire ça me déprime, non? Exactement, oui. Un sentiment désagréable, on ne se sent pas bien. S'associer plutôt à de la tristesse. Ah, ça me donne le cafard. Qu'est-ce qui te donne le cafard, toi, Erika? Que j'arrive pas à trouver un exemple. Ça me donne le cafard. Il y a des gens, par exemple, le dimanche soir, pas comme nous à French Pod, mais quand ils savent qu'ils vont retourner travailler le lundi, eh bien, ils ont le cafard. Dire le dimanche soir, parfois, ça me donne le cafard. Ou bien le lundi matin, ça me donne le cafard parce que c'est le début de la semaine, il faut travailler. So, l'optimiste essaie de montrer à son ami qu'il y a des aspects positifs. Quels sont-ils? Alors, c'est la nature changeante qui, comme il dit, prête à renaître. Il prévoit déjà le printemps. Dans quelques mois. Voilà. Et après, il y a les feuilles des arbres qui prennent une belle couleur, une belle teinte. En deuxième, il lui dit, mais comment ne pas rester impassible devant la beauté des feuilles des arbres? Impassible. Ouais. C'est sans émotion. Exactement. C'est triste les gens impassibles quand même. Oui, ça me donne le cafard. Voilà, moi ça me donnerait le cafard d'avoir des gens qui n'ont pas d'émotion, pas de réaction. C'est impassible. Ouais. Ça nous donne le cafard. Quel autre aspect pour l'optimiste l'emplit de joie? C'est le fait que c'est la saison des marrons, des noix, des noisettes. Des marrons. En fait, les marrons, c'est une forme de noix. It's a chestnut. Voilà, exactement. Après, il y a des noix aussi. So, les noix, c'est premièrement nuts. Ouais. Mais it's also walnut. Exactement. So it's the species, les noix. Here they're talking about walnuts. Ouais. Et des noisettes également. Hazelnuts. Voilà. Mais il reste encore une. Il y a les citrouilles. Ouais. Les citrouilles. So cendrillon. Cendrillon. Comme elle n'est pas rentrée à l'heure, son carrosse. Ouais. Sa voiture s'est transformée en citrouille. Ok. C'est orange. Vous devriez deviner ce que c'est. Et un autre argument est de dire que c'est le meilleur moment pour la cueillette des champignons. Ok, so ça veut dire le moment entre les champignons et les tirés de la terre. Voilà, on les ramasse. Ça c'est quoi? La cueillette. Ok, on emploie ce mot seulement pour les champignons. Non, on peut faire la cueillette d'autres choses. On peut la faire cueillette de... Des citrouilles. Par exemple. Pour des fruits. Alors c'est tout? Et non, c'est pas tout l'automne. Il y a plein de choses en automne. C'est aussi la saison des vendanges. Comme tu es optimiste. La saison des... Vendanges. Vendanges. Grape harvesting season. Voilà, donc c'est la cueillette du raisin. Les vendanges en général, c'est pour les vins. Ah oui, non, c'est pas pour les manger, c'est pour faire du vin, tout à fait. Et alors, face à tous ces arguments... Tu sais, propres arguments contre l'automne. Ouais. Et pourquoi ça le donne le cafard? Parce que pour lui, c'est la fin de l'été et c'est le début de la grisaille. C'est quoi ça, la grisaille? C'est le mauvais temps, tu vois, dans grisaille, on a le mot gris, la couleur grise. Donc c'est triste, c'est monotone et c'est associé au mauvais temps. S'il n'est pas la grisaille, il devrait être content pendant l'automne. Parce que comme l'optimiste a dit, il y a beaucoup de couleurs partout. Lui, son argument là, c'est de dire « mais pour ce que ça dure ». Et c'est quoi ça, cette phrase ?« Pour ce que ça dure ». C'est une expression pour dire « ça ne dure pas longtemps, pour le temps que ça dure ». C'est trop court pour faire que l'automne soit une si belle saison. Et comme ça, il est déjà en train de penser à la fin, même si c'est juste le début. Il pense déjà que d'ici la fin du mois, les arbres seront dépouillés. Voilà, seront tout nus les arbres. So, d'ici la fin... means by the end. Tout à fait. D'ici la fin de l'année, je vais m'arrêter de fumer. Très bien, très bonne résolution. Pour ce que ça dure. Mais le pessimiste, même si l'optimiste donne beaucoup de raisons à apprécier l'automne, ouais, il refuse de voir les choses sous cet angle. Il insiste d'être déprimant, ouais, et avoir le cafard. Tout à fait. Mais il devrait être content que la saison des vendanges a commencé. Pourquoi? Parce qu'il est français. Et parce qu'il aime le vin normalement? Normalement, oui. Ouais, mais bon, un rabat-joie, il trouve même là une raison d'être négatif en disant que bon, bah même, ce n'est pas vraiment en automne puisque ça commence déjà en juillet. C'est vrai? Ah oui, dans certaines régions, pas partout. La majorité? C'est surtout en septembre. Ok. Tu vois, donc le septembre, c'est à moitié, c'est le début de l'automne. Donc ils ont tous les deux raison. Enfin, c'est pas... C'est vraiment pour être rabat-joie, pour être négatif de dire ça. Ouais, ça me donne le cafard. Ce rabat-joie, il me donne le cafard. Et bon, voilà, il n'était pas convaincu. Et le fait de savoir qu'on va réécouter cette leçon m'emplit de joie. Par contre... Ça me donne le cafard. T'es vraiment une rabat-joie. L'automne, toute cette beauté m'emplit de joie. Je ne veux pas jouer le rabat-joie, mais je ne te suis pas. Moi, ça me donne le cafard. Voyons, mon ami, regarde cette nature changeante, prête à renaître dans quelques mois. Selon moi, cela évoque surtout la fin de l'été et le début de la grisaille. Tu ne peux quand même pas rester impassible lorsque tu contemples les feuilles des arbres qui prennent une teinte jaune, orangée, brune ou même rouge. Pour ce que ça dure, d'ici la fin du mois, ces arbres se retrouveront dépouillés de leurs belles feuilles. Allons, ne vois pas les choses sous cet angle. L'automne, c'est la saison des marrons, des noix, des noisettes et des citrouilles. Tu sais très bien que je n'aime aucun de ces aliments. C'est aussi un des meilleurs moments pour la cueillette des champignons. La dernière fois que j'en ai mangé, j'ai été malade pendant 3 jours. Et la saison des vendanges? Là, je t'arrête tout de suite. Les vendanges commencent déjà en juillet dans certaines régions et... J'ai attrapé un rhume. On rentre à la maison. Donc toi, Erika, ouais, où est-ce que tu vas passer ce week-end, Erika? Mon lit. Dans ton lit? Ouais. Et ça te procure quel sentiment? Ça m'emplit de joie, ouais, moi. Je ne veux pas jouer le rabat-joie. Si, quand on dit « je ne veux pas jouer le rabat-joie », mais ça veut dire « on veut le jouer ». Ouais. Donc ouais, voilà, moi, ça me donne le cafard. Quoi? De rester au lit pendant le week-end? Oui, voilà. Mais il ne faut pas voir les choses sous cet angle, hein, Marie. C'est reposant. C'est génial. Moi, quand même, ça me donnerait cafard parce que j'ai besoin de sortir, de voir des gens, de me promener. Tu as déjà passé un week-end au lit? Non, non. Tu devrais l'essayer, c'est vraiment reposant. Mais rien que d'y penser, ça me laisse impassible. Ah bon? Bah ouais, ouais, ça donne pas d'émotion, ça me donne pas de joie. Peut-être à la limite quelques émotions négatives, je suis triste. Mais non, il ne faut pas voir les choses sous cet angle. Est-ce que tu l'as déjà fait? Je l'ai fait une fois parce que j'étais malade. Ok, bon, il faut le faire. par volonté. Alors, d'ici la fin du mois, d'accord, il faut l'essayer, d'accord. Il ne reste plus que 2 week-ends. Alors, il faut faire vite. Mais une chose qui m'emplit de joie, c'est l'automne. Je m'identifie avec l'optimiste, ce dialogue, en fait. Et toi? Moi, je suis un peu impassible. C'est oui et non, ça dépend. Donc, moi, je suis entre les deux. Et tu veux dire que tu es un rabat-joie? Mais non. De toute façon, Erika, il est temps d'y aller. Ok, bon. Donc, merci à tous pour cette leçon. Bien sûr, on se retrouve sur frenchpod.com. Oui, the website frenchpod.com. If you have questions, you can come ask us. Donc, à bientôt. Merci, au revoir.